Hey, Gomez, Gomez. Ouais. Vas-y, sors le pétard. Attends, attends. Mais non, pas celui-là, le calibron. Oh, qui bouge. Oh, j'ai compris, ouais. T'en veux? Non, c'est bon, j'ai la grippe colombienne, là. J'ai débarqué de mon bled paumé, là-bas pas une coiffe ferrée. Ouais, je suis un connard qui allait chez les pompiers. Je t'amène pas mon CV, je vais plutôt dans la lessive. Sur le terrain on m'appelle Tavares, dis l'esquive. Vous me reconnaissez? Non. C'est pas grave, les lunettes de Derrick, le boule de Navarro dégaine grave. Mon cuir, pécho un tox dans une cave. Mon vice, foutre la merde dans les raves. La big grave c'est nous, les sproufailles c'est nous. Les poulets c'est nous, les pigeons c'est vous. Circuler y'a rien à voir à part nous. Combien on coûte, nous on sait, on va se placer chez Pernod. Dans mon quartier, on m'appelle Arissa, en référence à l'inspecteur Harry. On me respecte de Toulouse à Paris. Qu'est-ce si tu nous cherches? Ça, c'est la puissance du Ricard et du porc. La big rave, c'est nous, les sproufailles, c'est nous, les poulets, c'est nous, les pigeons, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. Passe tes menottes, on va te mettre à l'aise. Et les pépés, c'est nous, les pervers, c'est nous. Kennedy, c'est nous, ceux qui payent, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. À la justice, nous, on préfère le pèse. Central à Zebra Squal, vous répondez? Voiture 666, on a un code 69 à Châtelet. Y'a un mec qui braque le McDo, il dit qu'il pète les plombs. Vous intervenez? Eh, t'as faim? Non, il est midi, et à midi, le Mac Morning, c'est fini. Tu sais quoi, ma femme? Brigitte ne parle que de l'Afrique. Je crois bien que cette cat, hein, veut se barrer avec notre fric. Oh, c'est la flamme que sur écoute téléphonique? J'ai fait, je lui ai mis à la dérive. Et toi, ta binta? Sans pas plaire, mais son Clint Eastwood. Je crame un pétard et elle m'appelle son Clint Eastwood. Ski dans la poudre, trois au coup de foudre. Gomez, elle sent même plus mes coups de coude. Blamé dit les bons tuyaux. Il balance tellement au central, lui à son bureau. Il me dit: il a un gros bis de Pokémon. Gomez, faut qu'on aille rafler l'oseille des mômes. En plus, il a des puces pour téléphone. En plus, il a des codes d'accès télécom. S'il crache pas tout, juste un bridou. Notre accent, tu crois qu'on a bridou? La big rave, c'est nous, les sproufailles, c'est nous, les poulets, c'est nous, les pigeons, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. Passe les menottes, on va te mettre à l'aise. Et les pépés, c'est nous, les pervers, c'est nous. Kennedy, c'est nous, ceux qui payent, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. À la justice, nous on préfère le pèse. Attends, je vais cramer, moi, cette paillote à Francis. Ah ouais? Vas-y. Alors attends, donne-lui une roupette, je vais lui apprendre à nous faire payer le gastos. Hein? Attends, putain d'allumette, hein? On parle justice à deux vitesses, nous on se la fait en marche arrière. Rentre dans la boîte, lève plaque et revolver. C'est clair, c'est le toucher commissaire. Eh, hey, taulier, remets-nous la même qu'hier. Et là se ramène un putain de gringalet. Crâne chauffe comme un galet. Une espèce de romanichel type sénégalais. Il me dit: bastonner, on va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet, bastonner, on s'est grave donné. Et en effet, il m'a bastonné. Oh la débrouille tard, tu t'es fait ma rave. La dernière droite grave, en plus c'est un trap. Le petit PD, tu viens de toucher à mon collègue. S'en prendre à lui, c'est comme s'en prendre à mon siècle. Vénère, sur un catin du Beaujolais. Coup de poing, ça pète, c'est la technique du cassoulet. J'endors tout le monde, Tavares pécho la caisse. Coup de gyrophare, on est suivi par 36 caisses. La big rave, c'est nous, les sproufailles, c'est nous, les poulets, c'est nous, les pigeons, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. Passe les menottes, on va te mettre à l'aise. Et les pépés, c'est nous, les pervers, c'est nous. Kennedy, c'est nous, ceux qui payent, c'est vous. Central, ici Gomez et Tavares. À la justice, nous on préfère le pèse. Allô, c'est le central, Tavares, Gomez. Mes petits pigeons, bah vous répondez quoi? Voiture 666, c'est Zebra Squal, bah répondez-moi quoi? Ouais, bah c'est l'over, l'over, l'over. Ouais, bah on est en train de taper le carton avec les collègues de la BRB et de l'IGS. Et on s'ennuie un peu. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce que j'entends? Un flac de VMA au Foxy? Eh, dites donc les gars, les plaques sur vos voitures là, hein? Pour la penser à faire croquer les collègues, hein? Hein, ouais? T'inquiète pas, bah je m'inquiète, figure-toi. Parce que qui c'est qui va la pousser, la mutation? Hein, au stup de l'île? Attention, Gomez! Attention, ta faresse! Méfiez-vous du placard à serpillère, parce que question et serrage, ça va être sur le vis, hein? Ouais? Vous avez terminé de boucher vos oreilles, y'a plein de cérumelles? Eh ben voilà! Mais putain, y'a plus de déontologie dans la police maintenant! Eh, vous vous souvenez, les gars, de la grande Gisèle? Gisèle, Gisèle, Gisèle, Gisèle! Putain, celle-là, on avait habillé en hôtesse de l'air! Et question de la faire tourner sur les queues, putain! C'était du baseball! Ouais! Et à cette époque-là, dans l'affaire Joe Star, super défense! Super défense, hein! Eh, on pouvait parler d'éthique! Pas des rétiques, on a l'air d'éthique! J'ai partagé le magot! T'entends, Gomez? Eh, Gomez! Devine!